son intrépidité. Voilà jusqu'où allait son intrépidité, et l'on pourrait en trouver des traits plus grands encore. Après la bataille de Pharsale, il avait d'avance envoyé ses troupes en Asie et lui-même passé le détroit de l'Hellespont sur un petit bâtiment de transport. Il rencontre L. Cassius, qui était du parti adverse, à la tête de 10 vaisseaux de guerre. Loin de fuir, il s'avance, l'exhorte aussitôt à se rendre, et le reçoit, suppliant, à son bord.